toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette grande halle pour cet après-midi consacré au réemploi, le réemploi mode d'emploi. Et puis tout de suite, pour ouvrir notre après-midi par un mot d'accueil, j'invite à me rejoindre Elisabeth Taudière, architecte et directrice de l'association Territoires Pionniers. Donc bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour cette rencontre dédiée au réemploi. Donc je suis Elisabeth Taudière, donc directrice de Territoires Pionniers, et donc c'est nous qui portons ce mois de l'architecture chantier commun. Cette rencontre vient en fin de mois de mars, donc le mois de l'architecture là, est déjà bien lancé. Les chantiers communs se sont déployés pendant presque tout le mois. On a encore quelques rendez-vous là, jusqu'à dimanche. Ces chantiers communs ont commencé par une conversation entre Philippe Madec et Thierry Pacot, l'un philosophe de l'urbain et l'autre architecte urbaniste, et nous les avions questionnés sur quels sont nos chantiers communs aujourd'hui face aux enjeux contemporains. Et était ressorti de ces discussions la recherche de la convivialité, la reconnexion à la nature et la frugalité créative et heureuse que Philippe Madec du coup a formalisé avec d'autres architectes et ingénieurs dans le manifeste de la frugalité heureuse et créative. Et du coup, quand on a préparé notre programme de chantier commun, ce projet Grande Halle, il porte aussi ses valeurs, ses valeurs de convivialité, ses valeurs humaines, solidaires, et puis aussi ses valeurs de frugalité et d'économie de matière, d'économie d'énergie et aussi d'intelligence collective. Donc très, très naturellement, on a programmé une visite, Mayenne disait tout à l'heure, quatre en fait, parce qu'on est nombreux, et il y a cette visite professionnelle à 17h suite à cette table ronde, et puis ensuite une visite grand public, qui connaît aussi un grand succès. Donc nous allons être nombreux aujourd'hui à la Grande Halle. Ce temps fort est vraiment pour nous aussi indispensable, enfin vraiment porte l'ADN des chantiers communs. Voilà, alors je ne vais pas être plus longue. Je souhaite remercier Normandie Aménagement, Encore Heureux et le WIP qui nous ont aidés à co-organiser cette rencontre, à tous les invités qui sont présents aujourd'hui et qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de se déplacer et de venir parler, partager leurs expériences, partager leur savoir-faire aussi avec nous tous, et nos partenaires ADEME, Région, Ordre des architectes de Normandie, qui nous soutiennent, la DRAC aussi, qui nous soutiennent et qui aussi portent ces valeurs et essayent de mettre en place des outils pour favoriser leur mise en œuvre dans notre région. Voilà. Et donc, du coup, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Et je passe la parole à Rebecca. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette introduction. Alors, j'invite maintenant Pauline Sesco, urbaniste et cofondatrice et coordinatrice de l'association Le WIP, à là aussi venir nous dire un mot. Le WIP aura un rôle important en ce lieu. Merci à tous d'être présents. C'est assez émouvant pour nous de co-organiser cette rencontre ici, donc dans la Grande Halle, parce que c'est un lieu qu'on va gérer une fois qu'il sera ouvert, à partir d'octobre 2019. Il y a à peu près 80 personnes aujourd'hui. Il faut imaginer qu'il y aura à peu près autant de coworkers donc qui auront leur bureau. Là, vous êtes dans les futurs bureaux de la Grande Halle. Il y aura plein d'autres choses qui se passeront ici. Pour nous, c'est un lieu de partage, un lieu de convivialité, un lieu de travail et un lieu aussi très marqué par l'économie circulaire, qui est quelque chose qu'on défend aussi bien dans le lieu que vous avez traversé, qui est la cité de chantier, qui est fait essentiellement en matériaux de réemploi, que ici, dans la Grande Halle, puisqu'on est aussi impliqué sur cette question du réemploi de matériaux. C'est aussi émouvant parce que nous, le chantier, on l'a voulu aussi avec Normandie Aménagement et avec Encore Heureux comme un moment d'ouverture, pas un moment où on met des palissades et il se passe rien, mais vraiment un moment de partage, de médiation autour de ce territoire qui est en pleine transformation. Et donc, c'est pas rien en fait d'organiser une rencontre alors que vous avez vu, il y a encore les gars qui sont en train de travailler autour, qui travaillaient jusqu'à ce matin. On a dû déplacer les ballots d'isolant là tout à l'heure pour tout vous avouer. Il y a un petit peu de poussière encore. Pour toutes ces raisons-là, on est vraiment très heureux de vous accueillir, de pouvoir parler de réemploi dans ce contexte-là, de faire cette première rencontre des professionnels. Voilà, vous nous excuserez du coup pour la température. Il y fera plus chaud à terme. Mais là, on est en phase chantier encore. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. Alors cet après-midi, deux tables rondes, le réemploi dans le projet de la Grande Halle et ensuite le réemploi sur le territoire de la région Normandie. Deux tables rondes, à l'issue de chacune d'entre elles, vous aurez l'occasion de poser des questions à l'ensemble de nos invités, donc il ne faudra pas hésiter, prenez des notes au fur et à mesure des propos pour pouvoir ensuite intervenir et interagir. Mais avant cela, il est important de comprendre ce dont on parle, le réemploi, de quoi parle-t-on et pourquoi le réemploi. Et pour en parler, Julien Chopin, vous êtes architecte, cofondateur de l'agence Encore Heureux, et nous aimerions vous entendre pour poser ce contexte et ses bases essentielles. Alors, merci Territoire Pionnier, merci le WIP pour cette journée. Moi, je me suis posé cette question toute simple, finalement, qui est pourquoi le réemploi, pourquoi on fait du réemploi. Donc, je suis Julien Chopin, architecte, fondateur de l'agence Encore Heureux. On travaille sur cette question depuis maintenant peut-être une petite dizaine d'années. On a fait des recherches, on a fait des expérimentations construites. Mais finalement, je m'étais jamais posé si précisément la question pourquoi je faisais ça. Je vous propose d'y répondre en vous montrant une collection d'images plutôt soit de réalisations concrètes, soit issues du champ de l'art, pour expliquer un peu cette question-là. Je vais aller directement à la conclusion et au sommaire. On fait du réemploi par circonstances extérieures, on fait du réemploi par souci écologique, on fait du réemploi par opportunité esthétique. Je commence par des histoires de circonstances avec trois figures très différentes de l'histoire de l'architecture. Je commence par rendre hommage à l'architecture sans architecte, et notamment à quelqu'un qui est devenu architecte grâce au réemploi. C'est donc le facteur Cheval. Dans une lettre de 1897, il raconte comment il a fait une rencontre avec un matériau qu'il a rendu architecte lors d'une promenade. Soudain, mon pied heurta une pierre qui faillit me faire tomber. Je voulus la voir de près. Elle était de forme si bizarre que je la ramassai et je l'emportai. Je retournai le lendemain au même endroit et j'en trouvai des plus belles qui, rassemblées sur place, faisaient un joli effet. C'est alors que je me dis, puisque la nature fournit les sculptures, je me ferai architecte et maçon. Vous avez peut-être visité du coup son palais idéal et cette aventure incroyable de construire un palais avec des pierres trouvées dont les formes le fascinent. Pierres de rivière ressemblant à des éponges, pierres sculptées par la nature figurant des animaux. Et enfin, il nous donne une leçon pour tout architecte voulant construire en réemploi. Pour obtenir une forme acceptable avec des matériaux disparates, il faut des combinaisons et des essais multiples. Mais maintenant que le monument est debout, je suis heureux. Une autre figure qui est le grand constructeur Jean Prouvé. Donc vous connaissez son travail autour de la préfiguration, son usine à Maxéville, et puis ce moment assez dur de sa vie où il est évincé de sa propre usine de fabrication, il est ruiné, et c'est le moment où il doit construire sa maison à Nancy. N'ayant pas de moyens, j'ai construit ma maison avec des restes. Elle est faite de briques et de brocs, mais ça n'a pas d'importance. Elle est un peu bricolée, mais tous les éléments se sont assemblés sans problème. Et effectivement, il a récupéré les stocks de son ancienne usine, donc son usine qui fabriquait ses prototypes de maisons d'urgence, ses maisons tropicales. Il a récupéré des poutres métalliques, les panneaux en aluminium perforé qui font la façade de son bâtiment. Et il arrive à faire sa maison avec une économie de moyens et finalement devient une forme de figure de pionnier de cette question du réemploi des matériaux avec cette circonstance extérieure assez dure dans son cas. Et enfin, figure majeure de l'histoire de l'architecture moderne qu'on n'associe pas forcément au réemploi, donc c'est Le Corbusier avec la chapelle Notre-Dame de Ronchamp. Donc vous connaissez peut-être l'histoire, il y avait cette chapelle avant sur le site. la chapelle brûle parce que la foudre se s'abat sur le clocher. Et Le Corbusier, par opportunisme, par pragmatisme, réemploie les pierres de l'ancienne église pour bâtir sa chapelle. Et on a l'impression que tout est en béton, alors qu'en fait, c'est que la coque qui est en béton. Et ensuite, les murs ont été enduits à la chaux. Et pour faire une architecture comme ça un peu abstraite, et où le réemploi ne s'affiche pas, et parce que selon lui, ça ne devait pas être assez pertinent pour devenir un des 5 points de l'architecture moderne, alors que peut-être que ça deviendra un des 5 points de l'architecture contemporaine. On fait du réemploi par souci écologique. Alors, souci écologique, c'est un peu un euphémisme pour dire l'angoisse existentielle face à l'effondrement qui vient. Enfin, ça, c'est en fonction de votre degré de connaissance et d'appréciation du problème écologique. En tout cas, c'est mon sentiment. Donc nous, en tant qu'architectes, on a synthétisé ça sur la question de la crise de la matière. D'un côté, il y a l'épuisement des ressources, et de l'autre côté, il y a l'accumulation des déchets. C'est-à-dire qu'on n'a plus de matériaux pour construire, et on génère quantité de déchets. Ça, pour moi, c'est le dilemme de l'architecte. C'est choisir des matériaux. Et aujourd'hui, c'est une œuvre d'Éric Stéphanie, qui est un architecte artiste qui a travaillé avec Jean Nouvel, et qui a fait cette compilation d'échantillons de matériaux. Et ça pose la question de comment on peut concevoir quand il y a un hyper choix des matériaux de construction. Yves Bréchet, qui est un ingénieur, dit qu'on a à notre disposition plus de 100 000 matériaux disponibles pour construire, des matériaux sur mesure. Et sachant que la plupart de ces matériaux sont industriels, issus de ressources fossiles et énergivores pour leur extraction, leur transformation et leur transport, c'est donc, selon moi, la phase caché sombre des matériaux, et c'est le sens de cette image, avec cette image subliminale de tête de mort en filigrane sur cette mosaïque d'échantillons. Il y a en amont de la question de la matière, il y a l'épuisement des ressources. Donc maintenant, c'est bien documenté, vous connaissez tous l'histoire du sable et donc de cette guerre du sable, sachant que le sable sert à faire du béton, et que le béton étant l'un des matériaux les plus utilisés sur la planète pour construire aujourd'hui. Et ici, c'est une collection des arénophiles. Ce sont les collectionneurs qui collectionnent le sable sur tous les quatre coins de la planète. Donc peut-être que c'est une image qui montre que demain, ce sera une ressource précieuse qu'on collectionnera et qu'on ira voir dans des musées. Notez au passage la magnifique palette de ces textures qui montre la diversité de la variété du sable sur la planète. Donc ça, c'était l'amont. Et j'ai pris que l'exemple du béton, mais quantité d'autres ressources sont épuisables, mais je pense que vous le savez. En aval, il y a la question des déchets, des décharges. Par exemple, ici, c'est la plus grande décharge d'Île-de-France, Claye-Souilly. On est à une trentaine de kilomètres de Paris. Et c'est à peu près la surface qui est équivalente au 10e arrondissement de Paris. Donc c'est vraiment des choses sérieuses et conséquentes. Et donc c'est un gâchis évident de matière, de matériaux, d'énergie grise, mais c'est surtout une pollution pour les générations futures, sachant que la plupart du temps, on remplit le trou. Enfin, une fois que le trou est rempli, il est usage de recouvrir de terre végétale et de faire des parcs paysagers. C'est-à-dire, pour le dire vulgairement, laisser la merde sous le tapis. Il faut se rappeler aussi que cette question des déchets est une invention relativement récente à l'échelle de l'humanité, et que cette histoire a à peu près 150 ans, et notamment est arrivée avec le bac à ordures inventé par le préfet Eugène Poubelle en 1883. Donc ici, c'est une sculpture des Carpinteros, des artistes colombiens, qui illustre que cet objet est devenu aussi commun et habituel qu'une salière et une poivrière sur une table. Il y a ce magnifique livre de la géographe Sabine Barle qui s'intitule « L'invention des déchets urbains », qui raconte comment il y avait à l'époque des matières, des métiers, donc les boues, les vidanges issus des toilettes sèches, les fumiers issus des chevaux, et qui étaient des sous-produits pour l'agriculture. Et elle raconte comme ça tout le métabolisme de la ville, qui était une économie circulaire effective, réaliste, avec le salpêtre pour la poudre à canon, par exemple, les eaux pour les colles, pour faire des négatifs photographiques, le charbon animal, par exemple, pour raffiner le sucre. Et ce n'est qu'à partir des années 30 qu'on a finalement véritablement parlé de déchets et oublié toute cette économie circulaire en se disant qu'on allait faire des conteneurs pour mettre les matières dont on ne voulait plus, mais que finalement on perdait toute une écologie industrielle. Et plus grave peut-être encore, on a inventé l'idée effrayante des déchets ultimes, avec le nucléaire notamment et le programme électronucléaire français des années 70. Donc là, c'est la partie la plus sinistre des déchets, mais pour moi, c'est important d'en avoir conscience pour relativiser toutes les difficultés auxquelles on fait face quand on veut réemployer des matériaux. Je pense que toutes les tables rondes parleront du comment et de comment on arrive à faire, mais en tout cas, c'est finalement des petits problèmes à l'échelle de ce problème-là quand on veut traiter les déchets radioactifs. Et juste pour mémoire, parce que je trouve que c'est une histoire qui n'est pas assez connue, de 1946 à 1993, la façon dont on a traité à l'échelle internationale les déchets radioactifs, c'était la dispersion dans la mer. Donc on balance des fûts à la mer. Et depuis seulement 1993, il y a un moratoire qui fait que on ne les disperse plus, mais on les concentre. Et donc, il y a tous les programmes d'enfouissement sous terre de façon très profonde. Et juste parce que ça va être d'actualité, il va y avoir le débat sur cette question-là des déchets nucléaires avec le projet CIGEO. Pour mémoire, donc c'est à Bure, cet endroit où on va enfouir les déchets nucléaires, à 500 mètres sous terre, donc l'équivalent plus d'une tour Eiffel et demie de profondeur, 290 km de galeries, donc plus grand que l'ensemble du métro parisien, qui fait 220 km. Pour 35 milliards d'euros, tout ça pour faire un tombeau inviolable pour 100 000 ans. Donc en gros, on construit une pyramide inversée. En tout cas, ça m'intéresse de regarder cette question des déchets ultimes pour voir finalement et pour relativiser la chance qu'on a de travailler avec des matériaux de construction qu'on peut réemployer finalement assez simplement une fois qu'on a passé les questions réglementaires, assurantielles ou de gisement. Je passe maintenant aux images de réalisation et en considérant que le réemploi est avant tout pour moi une opportunité esthétique. Donc je prends l'exemple de variations sur le thème de l'igloo pour vous montrer à quel point les matériaux sont une source de créativité et permettent de faire des architectures qui sont narratives et qui racontent des choses une fois qu'on a dépassé la question de comment on peut assembler les matériaux. Donc voilà la version minérale en parpaing d'un igloo de Vincent Ganivet, la version en granit de Mario Merz, l'artiste italien, une version plutôt camouflée dans la forêt en miroir de Pierre Brassard et Marie-Pierre Lebeau, une version culturelle avec un empilement de livres de Miller Lagos, une version sonore en enceinte qui a été présentée dans l'expo So What sur les sound systems jamaïcains à la Gaîté Lyrique. Et maintenant des versions climatiques, donc celle en frigo de Ralph Schumberg. Là, je trouve qu'il y a une métaphore assez parlante. Bien sûr, tout ça étant des éléments de récupération. Une version un peu plus low-tech pour conserver le froid, celle, je n'ai plus le nom de l'artiste. Une version scolaire anonyme, faite en bouteille de lait en plastique, un peu plus symbolique, un peu plus joyeuse. Une version climatisée de Marlène Hosseger. Une version ensoleillée d'Ombrelle dans le désert au festival Burning Man. Et puis enfin, une version baignade dans le Summer Igloo, avec des bouées gonflables de Virginia Melnick. Juste, c'était une petite parenthèse, mais pour vous montrer à quel point l'architecture change et sa perception change en fonction des matériaux utilisés pour la construire ou pour l'édifier. Réemploi de matériaux de construction proprement dit, donc un exercice de style sur les fenêtres et les portes, qui sont un des gisements les plus importants qu'on retrouve dans les matériaux de réemploi. Donc là, je vais passer assez vite pour essayer de laisser après la parole à d'autres, mais juste pour vous montrer que les fenêtres, le patchwork de fenêtres, est un élément assez récurrent de l'architecture de réemploi dans des versions plus cabanes, comme celle-ci, dans des versions de salles de spectacle dans une ancienne église abandonnée, une version construite par des étudiants en Norvège, une version pour un centre d'accueil de population rom à Saint-Denis. une version dans des bureaux faite par Superuse, les architectes hollandais. La fameuse version belge donc du siège social de l'Union européenne par Philippe Salin. Et puis, modestement, une de nos dernières réalisations, qui est un pavillon donc à Paris, tout près du pavillon de l'Arsenal, et où là, on a réemployé les fenêtres du bâtiment qui est derrière, où on a fait cette double peau en fenêtres qui sont des châssis d'aluminium et puis vitrage, avec, vous voyez, la vision intérieure. Donc nous aussi, on s'est essayé à cet exercice de style. Et puis, les portes, où là aussi, il y a une pléthore d'exemples. Donc les palais, les pavillons d'Alexander Brodsky. Des versions plus éphémères. Je vous laisse juger du goût. Des versions encore aussi éphémères sur des supports d'échafaudage. La version un peu plus arty de Pete Hynek dans un immeuble de logement. Et puis notre version qui s'appelait le pavillon circulaire, qui a été implanté à l'occasion de la COP21 à Paris sur le parvis de l'hôtel de ville, où là les portes provenaient d'un HLM où les portes étaient changées, un peu comme les portes qui vont être installées ici. Vous trouverez à peu près la même typologie de portes des années 20-30. Donc ensuite, il y a des... Ce qui est pour moi des manifestes de projets de réemploi, et notamment j'en retiens deux qui sont des maisons, donc la Villa Welpelu des Superuse, qui sont ces architectes hollandais, et puis l'Upcycle House d'architectes danois qui s'appelle Landager, qui sont pour moi deux exemples les plus radicaux, les plus avancés sur cette question de la construction à partir de matériaux de réemploi. Donc la Villa Superuse, une villa pour des collectionneurs, d'art, une villa comme il y en a beaucoup dans les banlieues assez favorisées des villes. Là, ce qui est intéressant, c'est chez ces architectes, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent une carte de collecte. Donc comme un peu ce qui s'est fait ici, c'est-à-dire qu'ils décident qu'ils vont s'approvisionner en matériaux de construction dans un cercle restreint, donc là c'est 12 km, et qu'ils vont trouver la majeure partie des matériaux pour construire leur bâtiment. Donc, donc là vous voyez la provenance des matériaux et puis leur destination dans le futur projet. Donc il y a des matériaux incongrus comme des coquillages qu'ils utilisent pour faire les radiers de fondation. Une ancienne machinerie de textile en structure métallique qui est bien sûr retravaillée, transformée, il ne s'agit pas de les réemployer telles quelles, mais qui permet d'économiser de l'acier et de faire la structure du bâtiment. Les poutres aussi de plancher sont en bois de réemploi. Vous voyez le qui se monte. Le bardage a été fait avec ces tourets électriques où on récupère la partie centrale qui se désassemble très facilement. Et puis, ils rétifient le bois, donc ils le font chauffer, donc ils lui font son traitement thermique pour qu'il tienne dans le temps. Et puis, ils font cette façade. Et puis, surtout, ils font cette approche de bilan carbone et vous voyez en bas la comparaison en jaune entre du bois de réemploi et puis ce qui aurait été du nouveau bois. Et puis, surtout, le gain sur la réutilisation de l'acier dans la construction. Et puis, surtout, le résultat où c'est tout à fait à la hauteur de toutes les revues d'architecture dans lesquelles ce type de projet pourrait trouve sa place. Ça n'a pas du tout ça ne ressemble pas à une architecture de peu, bien au contraire. Et puis le projet de l'Upcycle House, aussi extrêmement intéressant, très avancé sur cette question-là, où ils font, voilà, je ne détaille pas toutes les matériaux utilisés, mais ça va du bardage aluminium aux fenêtres, au sol, aux pieux de fondation, à l'isolation. Avec en plus, ce qui ne gâche rien, toute une réflexion extrêmement fine sur le bioclimatisme de la maison. Et puis la maison construite donc avec deux conteneurs, du bois de réemploi, et puis une maison tout à fait à une esthétique très maîtrisée, très soignée. Les fenêtres sont de réemploi. Et puis vous voyez aussi cette façon d'assembler les matériaux, de les qualifier. Il y a des bouchons, il y a des cloisons lumineuses avec des bidons plastiques, ces panneaux d'aluminium ondulés. Et enfin, je vais finir là-dessus, c'est une collection de curiosités architecturales, juste pour vous montrer à quel point c'est une question de créativité et d'inventivité. Donc là, on est dans l'Ouest américain, des maisons en bouteille. On ne sait pas si c'était l'alimentation, ou en tout cas la boisson des ouvriers, mais voilà une autre version contemporaine, avec même la signalétique de la maison est faite en bouteille. La version plus religieuse, on est à Bangkok, en Thaïlande, donc un temple bouddhiste, entièrement en bouteille. La version rurale, un peu plus modeste, où vous voyez ici la technique assez low-tech, mais que j'aime bien, de transformation de la matière. La version russe, où là, elle récupère les bouchons pour faire une marqueterie sur sa maison, bouchons de plastique. La version plus festivalière, on va dire, on est aux États-Unis. On a une sorte de nuage comme ça, de bouteilles qui, là, pour le coup, sont remplies de liquides qui font des textures un peu différentes. Version aplatie aussi, là, c'est des canettes d'aluminium. Là, ils ont plutôt utilisé les contenants, donc les caisses en plastique de bière qui font cet bâtiment avec une lumière assez dingue. La version minimaliste du même projet, où on est dans la pureté du cube géométrique blanc. Là, c'est des contenants de glace. Donc, vous voyez, en s'approchant en détail, que tout est question de... Ce n'est pas la matière elle-même, mais c'est la façon, l'intelligence créative de l'assembler, de le détourner, d'en faire une sorte de claustra. C'est pour une bibliothèque. Même des ballots de papier avec ces architectes incroyables du étudiant du Rural Studio, avec le regretté Samuel Mockby, qui était à l'initiative de toute une expérimentation assez colossale sur le réemploi. Version, là on rentre plus dans l'univers du transport, donc on a des pneus. Il y a aussi cette magnifique, j'aime bien le nom, laborigène. Laborie, vous savez, c'est le nom de ces constructions en pierre sèche habituellement, mais là ils font la version en pneus, un peu plus punk. Mais version très pragmatique, efficace, comment faire un toboggan. Là, c'est le capot directement de la voiture qu'on récupère pour faire une salle de concert estivale. Avec, vous voyez, un peu de décoration électronique. Là, c'est directement des pièces d'avion qui font cette ville-là. Où là, c'est plus littéral, mais j'aime aussi. Et puis, il y a celui-là qui est quand même aussi magnifique. C'est le bus qui devient l'abribus. Je trouve qu'il y a symboliquement le... Ça peut nous raconter des histoires sur l'avenir du parc de véhicules qu'on aura à gérer. Et puis aussi dans le transport, là on est un peu plus maritime, mais c'est une petite cabane avec une barque retournée. Et puis il y a ceux aussi qui construisent vraiment uniquement avec les chutes. Donc voilà, c'est chute de bois, et puis on en fait une sorte de palais. Les tuyaux sinon. Voilà, et en guise d'épilogue, j'ai été un peu long, mais... Donc vous connaissez tous ce grand architecte, artiste autrichien Friedrich Unterwasser, qui est précurseur d'une architecture écologique, non dans la version techniciste de la sobriété énergétique et matérielle bienvenue, mais en tout cas dans une version humaniste de couleurs, de végétation et de courbes. Donc c'est quelqu'un qui se joue à tordre et à recourber les outils traditionnels des architectes, comme ce Kutch, qui est donc cette règle d'échelle qu'on utilise. Donc je voudrais, pour conclure cette présentation sur le pourquoi du réemploi, avec cet ultime projet de cet architecte qui a organisé son enterrement et a fait de sa propre mort une ode au cycle infini de la matière. Donc il est mort en Nouvelle-Zélande il y a bientôt 20 ans, et voici ce qu'il écrivait. « Je me réjouis d'avance de redevenir humus, enterré nu et sans cercueil, sous un hêtre planté sur mes terres. » Donc ce fut finalement un tulipier, bon, pas trop de différence, à droite sur l'image. L'inhumation devrait avoir lieu sans cercueil, donc dans un simple linceul à une profondeur minimale de 60 mètres en pleine terre. Donc il est assez précis. Et en fait, son linceul, c'est le drapeau qu'il avait dessiné pour la Nouvelle-Zélande, en stylisant les spirales des fougères. Donc vous voyez le drapeau en bas. Et il finit. Un arbre sera planté sur la tombe pour perpétuer symboliquement la vie sous la forme d'un arbre qui poussera sur lui et par lui. Pardon, pour perpétuer la vie du défunt. Et donc sous la forme d'un arbre qui poussera sur lui et par lui. Cela donnerait naissance à une forêt sainte, un jardin des morts heureux. Merci de votre attention. Merci à vous, Julien, de nous avoir fait voyager dans l'espace et le temps pour nous rappeler que le réemploi, c'est une très ancienne innovation, finalement, mais il est important de retrouver tout son sens, à la fois sur ces enjeux que vous avez évoqués, de circonstances extérieures, d'enjeux écologiques, et puis également tout le volet esthétique, sans doute, allons-nous en reparler. Donc, sans plus attendre, la première table ronde, le réemploi dans le projet de la Grande Halle, ici où nous nous retrouvons. Alors, pour en parler, j'invite à me rejoindre Pascal Huyghe-Doyer, vous êtes directrice de Normandie Aménagement, Stéphanie Pally, coordinatrice travaux sur l'opération avec le WIP, Pauline Sesco, on vous a entendu tout à l'heure donc pour le WIP, Clément Nataf de Albert et compagnie, Justine Braun de l'agence Encore Heureux, ainsi que Mayanne Géraffi également de l'agence Encore Heureux. Alors, nous avons un impératif, la visite du chantier à 17h. Donc, il m'appartient de grappiller quelques minutes ici ou là pour que tout se fasse dans les temps. Alors, n'hésitez pas, il y a des petits tabourets, ils sont peut-être un peu bas. C'est comme... voilà, bah parfait, très bien. Alors, ce que je vous propose pour commencer nos échanges, peut-être, c'est un premier tour de table, parce qu'il me paraît important que le public puisse comprendre qui vous êtes et surtout ce que vous faites, comment vous intervenez dans ce projet de la Grande Halle. Alors, eh bien, vu que c'est un premier tour de table de présentation, tout simplement, on va commencer avec vous, Stéphanie Pally. Donc, je le disais, coordinatrice travaux. Voilà. Bonjour à tous. Je suis co-traitante du WIP sur la partie opérationnelle du lot 1, réemploi. Je suis censée aller sur le terrain pour faire des repérages de matériaux sur les gisements de démolition. Et puis après, lancer le matériau dans sa longue vie de réintroduction sur le chantier. Donc je fais ça avec Pauline Sesco. Bah Pauline, merci. Donc on vous retrouve pour l'association Le WIP. Donc oui, Pauline Sesco. Et ben moi je travaille avec Stéphanie Pally, mais aussi avec l'entreprise à but d'emploi Atypique, avec qui on travaille sur ce lot réemploi de matériaux. Effectivement, comme le racontait brièvement Stéphanie, à la fois d'aller chercher les gisements de matériaux, mais aussi d'accompagner leur transformation et leur introduction, donc avec toutes les étapes aussi réglementaires pour pouvoir être réutilisées sur la Grande Halle. Oui, et on reviendra tout à l'heure sur les défis que cela pose pour tous les acteurs que vous êtes. Pascal Huyghe-Doyer, donc vous êtes directrice de Normandie Aménagement. Alors Normandie Aménagement, c'est pas un secret maître d'ouvrage. Est-ce que vous pouvez me rappeler quand même Normandie Aménagement ce que c'est ? Alors, Normandie Aménagement, nous sommes une société d'économie mixte qui comprend une quarantaine de collaborateurs sur cette activité d'aménagement et de promotion immobilière. Nous avons un capital essentiellement détenu par des collectivités, en l'occurrence Caen la Mer. Et nous avons des activités d'aménagement, notamment ici sur ce site, ex-site industriel de la SMN, la réurbanisation de ce site sur plusieurs ZAC, zones d'activité concertée, en développement économique ou en logement, comme vous pouvez le voir sur Jaurès. Et nous avons aujourd'hui également un rôle de promoteur immobilier. Donc là, on est un petit peu à cheval entre nos deux activités principales. Très bien. Et tout à l'heure, on comprendra comment justement les rencontres ont permis la mise en place de cette démarche pionnière autour du réemploi. Clément Nataf, donc je le disais, Albert et compagnie, vous êtes ingénieur. Albert et compagnie, c'est quoi ? Alors, bonjour. Albert et compagnie, c'est une TPE, une SCOP. Donc une société coopérative. Société coopérative, voilà. Et on s'est occupé avec l'agence Encore Heureux de rédiger le marché de l'entreprise Et actuellement, on partage la direction opérationnelle du chantier, et notamment sur le lot réemploi, mais on pourra en parler un peu plus précisément tout à l'heure. Exactement. À vos côtés, Justine Braun, donc vous êtes architecte au sein de l'agence Encore Heureux. Oui, donc moi je suis chef de projet pour la Grande Halle, que je suis depuis le tout début des études de faisabilité jusqu'au chantier et bientôt la livraison. D'accord, donc tout à l'heure on parlait, Julien parlait de cette architecture narrative, donc vous avez aussi l'histoire de cette Grande Halle qui est en train de s'écrire, que vous pourrez vous revenir sur ces différentes étapes. Mayanne Girafi, vous aussi vous êtes architecte de l'agence Encore Heureux, mais avec un rôle différent. Oui, je suis permanente architecturale pour le projet. Donc plutôt de chantier, parce que Justine n'a pas dit, mais elle avait été permanente architecturale de programmation en phase de faisabilité. Et donc voilà, je suis arrivée au lancement du chantier. D'accord. Et donc tout à l'heure, on reviendra plus précisément sur votre rôle exact d'interface. Allez, je donne un premier indice. Alors, avec vous, Pascal, j'aimerais qu'on remette bien en contexte très rapidement cette opération de la Grande Halle. Tout à l'heure, en introduction, Pauline a un peu parlé de coworker, d'un espace partagé. C'était quoi l'ambition pour Normandie Aménagement avec ce site ? Alors, je voudrais resituer aussi le fait que la Grande Halle est aujourd'hui le témoignage, avec le grand réfrigérant qui est derrière nous, de l'ex-société métallurgique de Normandie. Donc, il y avait un enjeu mémoriel à retracer un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé sur le site, de conserver des traces, comme vous avez les guérites à l'entrée du site. Nous avons ce bâtiment qui nous est semblé utile de rénover, de réhabiliter pour garder cette mémoire, mais aussi de porter dans l'avenir, notamment avec des modes de travail qui sont différents. Et on a parlé de coworking. Enfin, je pense qu'on va en parler beaucoup sur cette table ronde. Donc, l'idée était effectivement d'associer le passé et le présent. Donc, au travers de la rénovation de ce bâtiment, qui a une architecture quand même assez particulière, très, très béton, mais particulière quand même et industrielle. Voilà. Donc, je voudrais quand même dire que les élus, certains en tout cas, ont été très porteurs de ce projet. C'est pas évident à faire passer, mais je rappelle le capital détenu surtout par des collectivités locales. Donc, ça a été un travail aussi de promouvoir, on va dire, ce projet à l'échelle des collectivités locales. Ouais. Et les collectivités locales qui sont aujourd'hui engagées dans des démarches de plan climat, de PCAET. On parlera tout à l'heure avec la région de la dynamique en matière d'économie circulaire. Donc forcément, c'était l'occasion avec ce site de faire un pas de plus autour, en faisant le lien entre économie sociale et solidaire, impact écologique réduit sur le bâtiment. Effectivement, donc de la part, enfin beaucoup d'élus sont quand même aussi très sensibles à l'écologie et avaient le souhait, en dehors de cet aspect mémorial que je citais, de montrer la faisabilité au travers d'une rénovation un petit peu réduite, on va dire quand même, en termes de coûts notamment, parce que il y a quand même une sensibilité forte aussi en ce moment dans le milieu des collectivités locales aux coûts et aux finances. Et donc c'était de pouvoir démontrer la faisabilité de cette rénovation, faire le lien, je dirais, entre l'économie circulaire. C'est quand même un lieu où vocation à se développer, justement, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire. Donc il y a plusieurs lieux aujourd'hui à Caen, autour de tiers lieux, mais celui-ci a quand même cette image et doit répondre à cet objectif. Voilà, c'est à ce titre-là, je pense qu'on a été suivi dans ce projet. Alors le WIP n'est pas pour rien, puis je peux dire que vous êtes que des anciens collaborateurs dans Normandie Aménagement, je veux dire quand même. Voilà, donc il y a effectivement quand même un lien qui s'est tissé, et en tout cas un objectif, je dirais, qui s'est enraciné dans la maison Normandie Aménagement au travers de ces anciens collaborateurs et porteurs de ce projet, de la localisation je dirais, de l'intérêt qu'on avait à être un tout petit peu pionnier aussi dans cette affaire de Grande Halle. Merci. Alors justement, Pauline, j'aimerais vous entendre rapidement, parce que tous, en arrivant, on est passé par la cité de chantier. On parlait d'exemplarité de ce site, de montrer la faisabilité. Là aussi, c'était un premier pas pour montrer, pour démontrer. Bah oui, la cité de chantier, en fait, très vite avec Normandie Aménagement et donc nous, le WIP, il y a eu le besoin d'avoir un premier lieu avant de tester la gestion d'un grand lieu comme la Grande Halle et puis la nécessité de pouvoir accueillir dignement et de commencer à activer ce site qui était quand même très largement en friche. Je pense que là, on se rend de moins en moins compte, mais on est parti quand même d'assez loin. Et de le faire aussi comme un lieu aussi de démonstration, de préfiguration de ce qui allait se passer dans la Grande Halle à terme, donc un lieu à la fois de travail, de convivialité qu'on gère depuis maintenant 2 ans et demi, mais aussi un lieu où l'économie circulaire s'incarne dans ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui a été conçu et construit par le collectif ETC, qui est un collectif d'architectes, à partir essentiellement de matériaux de réemploi. Donc c'est assez lisible. Tout à l'heure, Julien vous montrait différents exemples aussi de réemploi de portes, de fenêtres. Bah, on a une bonne démonstration juste en face. Et puis, effectivement, de vraiment, là, c'était quelque chose aussi de différent par rapport à ce qu'on va vous raconter pour la Grande Halle, parce que évidemment le sujet était très différent. C'est un bâtiment qui avait vocation à être éphémère, à accueillir du public, mais rester en catégorie ERP quand même beaucoup moins contraignante que la Grande Halle. Donc établissement recevant du public, oui. Au cas où. Pardon, voilà. Oui, ouais. Je m'adresse à des professionnels. non, mais effectivement, établissement recevant du public. Et donc d'imaginer finalement la construction à partir des matériaux qu'ils trouvaient. Mmh. Alors que là, on est sur un bâtiment qui a, la Grande Halle, le projet architectural préexistait finalement aux matériaux qu'on a dû trouver. Et du coup, c'est une jolie histoire en fait, parce que c'est vrai que ça s'est construit en un mois, au moment où il y avait d'autres chantiers, donc par exemple le chantier de la bibliothèque que beaucoup de Canets connaissent évidemment sur la presqu'île, qui a alimenté la construction de la cité de chantier sur des chutes de chantier, sur des bâtiments qui étaient en train d'être démolis, sur des particuliers qui ont donné des fenêtres, etc., etc. Et de fait, c'était important pour nous aussi de mettre le curseur assez haut, finalement, de se dire, ils l'ont fait, c'est possible. Nous, notre lieu, c'est celui-là. Et du coup, ça donne forcément des ambitions assez hautes pour ensuite la Grande Halle. Et puis, nous, le WIP, forcément inspirant aussi dans notre capacité à faire, à comprendre comment ça avait été fait pour se projeter dans une activité liée au réemploi qui était à la base pas du tout notre vocation. Alors vous avez parlé d'ambition haute en matière de réemploi et là où elle s'incarne très largement, cette forte ambition, c'est à travers la mise en place d'un lot dédié au réemploi sur cette opération. Et là-dessus, peut-être je vais commencer avec vous, Justine, pour comprendre tout l'enjeu déjà de cet allotissement et ce que ça veut dire ensuite aussi avec Clément. Cette opération, il faut savoir qu'il y a 17 lots donc répartis dans un allotissement classique. Alors, approchez bien le micro. Un allotissement classique d'une opération architecturale. Et le lot 01, c'est le lot réemploi. Donc ça, c'était important aussi que ce soit le premier lot de l'opération pour sa signification. Et c'est un marché qu'on a voulu construire de manière classique, donc avec un CCTP, donc un cahier de charge. Des clauses techniques et particulières. Voilà, pour l'entreprise. Et donc ça, je peux passer le micro à Clément qui va vous en dire un peu plus sur... Allons-y, Clément. Alors... Normandie Aménagement, effectivement, nous a donné comme cahier des charges à nous, maîtres d'œuvre, de rendre possible le réemploi dans le cadre d'un marché public. Donc, avec toutes les contraintes associées, et notamment, je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais notamment rester dans le cadre d'un marché global et forfaitaire. Donc, c'est-à-dire que on doit être en mesure d'anticiper les coûts et les balances financières entre les lots. Donc, ce qui a nécessité, je ne vais pas rentrer dans trop de techniques, mais ce qui a nécessité de monter un marché avec des limites de prestations spécifiques, de les décrire, de les anticiper, de faire un CCTP avec des descriptions de prestations en base et en variante avec des matériaux en réemploi, c'est-à-dire que le projet aurait pu se faire sans aucun matériau réemploi. L'objectif était bien sûr de maximiser ces matériaux, mais pour de toute façon rendre possible le projet. Donc, on a en effet construit de manière assez classique, au final, un 17 lots. Le lot réemploi a différents objectifs qui sont décrits dans ce cahier des charges. Donc, je vais les citer rapidement pour qu'on comprenne bien. Et ensuite, peut-être le WIP pourra compléter. À savoir, donc, réaliser je ne sais pas si vous avez fait le tour de la Grande Halle, mais réaliser un atelier. Mais je pense que pendant la visite, justement, voilà. Ça sera aussi l'occasion d'insister. Du coup, je cite un peu le cadre général, mais qui permet, donc il a fallu le réaliser déjà, donc ça c'est dans le marché du WIP. Cet atelier permet d'aller justement chercher le gisement. Déposer les matériaux, les stocker dans cet atelier et les préparer pour les entreprises de pose. Donc ça, c'est quand même une particularité ici. Je ne sais pas si ça a déjà été fait en France, j'en suis pas certain. En tout cas, on peut construire les choses autrement avec une entreprise de curage, de démolition, enfin de dépose, qui stocke sur le chantier et ensuite... c'est à la charge des entreprises de venir chercher les matériaux. Ici, c'est un petit peu différent. On a vraiment une entreprise identifiée qui a la charge de mettre à disposition comme une plateforme de matériaux sur le chantier. C'est totalement intégré, quoi. Totalement intégré, qui donc participe, et on y reviendra peut-être plus dans le détail tout à l'heure, mais participe totalement à la vie du chantier comme n'importe quelle autre entreprise, participe aux réunions de chantier, peut être, est interpellé par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage au même titre que n'importe quelle autre entreprise. Et ça, je pense que c'est important. Enfin, je trouve que cette expérience à la Grande Halle est vraiment intéressante de ce point de vue-là aussi. C'est que certes, c'est expérimental, mais on a tenté de ramener ça dans les clous, voilà, dans les fourches codines d'un marché plus classique et dans une organisation plus classique pour que le réemploi aussi, l'objectif étant qu'il se massifie, qu'il devienne quelque chose de reproductible. Exactement. Et, voilà, ouais. C'est ça. Alors, Pauline, justement là-dessus, parce que Clément vient d'expliquer qu'il y a eu ce lot réemploi dédié et comment il s'articule avec les autres, ce qui ne veut pas dire que l'on part de zéro, c'est-à-dire on veut du réemploi dans cette opération. Il y a eu, au préalable, des pré-études pour un peu identifier les potentialités en termes de gisement. Alors, déjà, il faut quand même savoir que nous, on s'est quand même posé largement la question de savoir si on allait répondre à ce lot réemploi. Parce que nous, notre vocation, je le répète, c'est de gérer un lieu, oui. D'avoir une activité culturelle, tout ça. Et c'était quand même un sacré défi que de répondre déjà à un marché public. Donc, administrativement, il faut suivre. Enfin, voilà, ça nous a quand même pas mal interpellés. Il se trouve qu'on a eu la chance, nous, d'avoir... une de nos résidentes au sein de la cité de chantier qui était Stéphanie Pally, qui a une activité de maîtrise d'œuvre et qui du coup on s'est senti, et il y avait à ce moment-là aussi l'entreprise à but d'emploi atypique qui se créait à Colombelle et qui était justement dans cette dimension aussi d'expérimentation autour de nouveaux métiers, de métiers de valoriste, etc. Donc on s'est dit, voilà, il y a quand même des conditions qui sont réunies, on est bien entouré, on peut se lancer dans ce défi-là. Il a fallu évidemment tester si économiquement, on a pas mal réfléchi aussi à comment économiquement s'en sortir, parce qu'effectivement, il y a ce lot-là, il était financé notamment par l'ADEME au travers d'un appel à projet Défibat auquel Normandie Aménagement avait répondu, donc il y avait quand même une enveloppe spécifique, on y reviendra, je pense. Et puis, effectivement, après, la question, tout simplement, de la matière, est-ce qu'il y avait matière à faire du réemploi pour la Grande Halle ? Mais en fait, ça pas été une très grosse question pour nous, parce que déjà, effectivement, on avait commencé un peu à se renseigner sur les chantiers à venir. Donc, par exemple, en allant demander à la ville de Caen ou à Caen-la-Mer ou des gros maîtres d'ouvrage sur l'agglomération Caen-la-Mer, qu'est-ce qu'ils avaient à venir comme opération. Il y avait quand même 3-4 opérations assez importantes qui étaient dans des timings rendant possible le réemploi et qui nous ont fait dire, on ne sait pas, on s'est très vite dit aussi avec Encore Heureux, ça se trouve, le seul truc qu'on va construire en réemploi, ça sera le bar, parce que ça nous était impossible, ça nous était imposé dans le marché, donc de toute façon, il n'y a pas le choix, le bar, il serait en réemploi. Mais on s'est dit, c'est un défi, et est-ce que ce qui est important, c'est d'avoir un maximum de matériaux, de pouvoir démontrer en faisant un truc qui se voit, est-ce que c'est vraiment ça le propos? Est-ce que c'est pas plutôt de mettre en branle les différents maîtres d'ouvrage de l'agglomération, de les interpeller sur aussi leur rôle de prescripteur de matière, de démolisseur, de commencer à travailler sur les rôles et les potentiels de chacun, qui était sans doute aussi intéressant, et puis travailler évidemment l'ensemble du circuit et de voir aussi effectivement avec les entreprises du chantier comment est-ce qu'on pouvait travailler sur cette question, avec les assureurs, les bureaux de contrôle. Donc voilà, donc peut-être que ça sera pas un, même si vous le voyez qu'il défile, on a quand même trouvé pas mal de choses, mais au départ l'enjeu de l'expérimentation c'était plus de démontrer d'une dynamique, d'une méthodologie dynamique, plus que de rendre visible dans l'ostentatoire quoi, tu vois, mais on réfléchit à un petit tampon réemploi avec des jeux de pistes pour aller chercher le réemploi dans la future Grande Halle. Enfin, on a plein d'idées, mais voilà, c'était pas notre but premier, on va dire, en répondant. Alors, avant d'évoquer comment les entreprises se sont impliquées autour de ce projet de la Grande Halle et comment elles se sont appropriées le réemploi, j'aimerais, Mayanne, vous entendre, parce que vous avez un rôle important. Il y a ce gisement qui a été travaillé avec le débouché, et puis parfois ça peut, j'imagine, faire bouger le projet architectural de début. Il faut s'adapter, il faut caractériser. Alors, comment vous intervenez dans cette articulation? On le fait plutôt à trois têtes, mais globalement, rapprochez bien le micro. L'éloignement de l'agence et d'Albert et compagnie à Paris. Proposer, du coup, j'ai un poste sur place, sur site, pour être suffisamment réactif. Globalement, c'était de participer aux visites de gisements, ensuite à trois têtes, de voir comment l'intégrer au projet architectural, au marché, parce que, comme disait Clément, il y a beaucoup de lignes qui ont bougé. Il y a des matériaux qui étaient proposés à 20% qui sont quasiment arrivés à 100%. Type les radiateurs ou les éléments sanitaires, d'autres qu'on n'a pas du tout trouvés. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure parce qu'il faut qu'on rattrape un peu de temps, mais dans le lot, je ne vais peut-être pas utiliser les bons termes, pas par corps de métier, mais en tout cas par secteur, il y avait un pourcentage maximum à objectif en termes de matériaux en réemploi. Par et donc, fourniture, en voilà, par qui avait fourniture. Été localisé avec justement la recherche préalable avec ETC, avec le WIP. L'idée, c'est de ma présence aussi, c'était de raccourcir les temps d'échange aussi avec les entreprises poseuses, communiquer avec eux, négocier avec eux en étant en présence en permanence sur site. Le réemploi, l'isolant qu'on voit déposé dans les plafonds, je ne sais pas si vous avez vu l'image, aujourd'hui elle est en train d'être posée dans les sanitaires des trois niveaux. Donc c'est des choses qui sont rendus concrets et qui nécessitent un travail quand même avec les entreprises poseuses. Ouais. Et ça permet aussi, c'est Clément qui l'a rappelé, il y a une entreprise qui nous a dit finalement notre lot il n'est jamais mis en valeur, on arrive toujours à la fin, et en fait le réemploi permet de revaloriser des prestations de certaines entreprises, de certains corps de métier qui sont complètement mis de côté. Donc, c'est... En l'occurrence, l'entreprise de plomberie. Oui, reprenez le micro. En l'occurrence, l'entreprise de plomberie sanitaire. Je dis ça. On s'est jamais autant soucié et penché sur mon lot. Alors justement, vu qu'on parle des entreprises, Stéphanie, j'ai envie de vous entendre là-dessus, parce que pour vous, ça a été de belles surprises. Oui, de belles surprises, parce que j'avais expérimenté le réemploi à une toute petite échelle, à l'échelle de particuliers. J'ai très souvent intégré des matériaux de réemploi sur mes différents chantiers, mais jamais à cette échelle-là. Et je m'interrogeais beaucoup sur la façon que les entreprises auraient d'accueillir ces matériaux qu'on leur proposait, alors sachant que les pratiques aujourd'hui sur les chantiers sont quand même ancrées depuis bien longtemps. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire changer des pratiques. Et le premier contact que nous avons eu avec la première entreprise qui a été approchée pour donner son avis sur des matériaux de réemploi qu'on est en train de viser, c'était une entreprise de menuiserie extérieure. Donc le plus complexe pour le réemploi. Qui était extrêmement complexe. Et ils ont eu une réaction extrêmement positive et très participative. Ils sont allés immédiatement sur site pour faire des propositions de mise en œuvre, réfléchir avec nous à comment faire pour intégrer ces matériaux. Donc vraiment, il y a eu une démarche très active et ça nous a beaucoup boosté. On s'est dit, ça, il en augure bon pour l'avenir. Si c'est comme ça avec toutes les entreprises, ça va être formidable. On va pouvoir faire de grandes choses. Donc sur les menuiseries extérieures, donc on était censé intégrer ces éléments qui étaient en grande quantité. On avait 30 huisseries de grande qualité à intégrer sur le chantier. Et, on avait eu l'aval de l'assurance et du bureau de contrôle. Oui, ça on va en parler tout à l'heure. On va en parler juste après. Justement. Donc tout le processus était, on avait franchi toutes les étapes et tout le processus était déblayé. Et ces huisseries auraient dû être intégrées sur le chantier. À ce propos, les plans ont aussi été revus à la suite de ces propositions, parce que les huisseries que nous avons trouvées, les architectes ont dû refaire des plans pour pouvoir les intégrer. Donc vraiment, tout était bordé et on s'est fait voler ces matériaux, donc, ce gisement. Donc je pense que personne ne s'en est encore remis aujourd'hui. On est assez, assez désespérés, mais ça a donné une impulsion extrêmement positive et une part très active des entreprises. Et je pense que cette première expérience a permis de faire balancier sur les autres entreprises. Nous, on avait la possibilité de leur dire, on avait la possibilité d'intégrer, toutes les étapes étaient passées, l'entreprise de menuiserie a joué le jeu, à vous de jouer le jeu pour les matériaux qui vous concernent. Donc... Ouais, un véritable effet boule de neige, me disiez. Ouais. Et puis ça montre aussi que les entreprises du secteur sont prêtes, si elles sont accompagnées, qu'elles se sentent aussi partenaires, pas que exécutantes, elles sont prêtes à faire bouger leur méthodologie. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé extrêmement important et ce que j'ai envie d'essayer de conserver, c'est de donner aux entreprises un rôle vraiment actif, d'être vraiment des partenaires et pas des exécutants d'une réglementation et de quelque chose qu'on leur impose, qu'on fasse vraiment ensemble cette démarche, qu'on avance ensemble, qu'on réfléchisse ensemble et qu'on les intègre vraiment dans le processus. Et on a des signaux assez positifs. On a par exemple sur le lot carrelage, donc l'entreprise CRLC qui finalement nous dit, nous on était en train de chercher du carrelage, de la faïence, des remplis, qui nous dit mais en fait moi j'en ai, je vais le mettre moi-même. Donc ça a changé même leur... en tout cas, là, un exemple qui change aussi le propre regard sur la matière d'une entreprise du chantier. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Pauline, la question de l'assurance, des bureaux de contrôle, parce que sur un chantier, chaque élément doit répondre à une certaine réglementation. Il y a des normes pour les garanties, etc. Alors, juste avant, Clément, de vous entendre, je voudrais quand même vous entendre, Pascal, juste en introduction, si c'est bon, mais il n'y a pas de souci sur cette question-là, parce que Normandie Aménagement, c'est votre assureur qui a été mobilisé. Ça a été dur de leur dire, bon, attention, cette fois-ci, on va faire du réemploi et on ne veut pas que ça soit juste anecdotique, pas du décorum. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble. Je ne dirais pas que ça a été difficile. Par contre, effectivement, pour eux, c'était nouveau. Autrement dit, on a un courtier qui nous accompagne sur l'ensemble de nos projets de construction. Je vais le citer quand même, c'est la compagnie AXA. Et le courtier, en l'occurrence, a dû mobiliser la compagnie sur quelque chose de nouveau pour eux. Nous, il n'était pas question qu'on construise sans respecter les normes du code des assurances dans la construction. On est sur un bâtiment recevant du public. Donc évidemment, on doit respecter le code de la construction et le code des assurances en la matière. Et on n'aurait pas pris de risque d'y aller sans ça. Donc il était impératif pour nous qu'ils nous suivent. Alors je pense que les équipes ont aussi fait preuve de beaucoup de persuasion vis-à-vis les équipes de normes d'aménagement et les équipes qui m'entourent sur cette table ronde. On fait preuve de beaucoup de persuasion à l'égard de l'assureur, qui aussi a joué le rôle, le jeu. Et puis qui, je pense, a pris ce projet comme un projet pouvant être renouvelé. C'est-à-dire qu'il a expliqué à sa compagnie que c'était peut-être pas la première fois, enfin c'était la première fois probablement pour eux, mais c'était probablement pas la dernière qu'on allait les solliciter pour ce type d'assurance. Et je dirais que pour le bureau LAPAV, donc en l'occurrence, je vais les citer, je suis désolée, mais c'est pareil parce que c'est pas évident de nous accompagner. Enfin, c'était pas évident d'accompagner ce projet dont je dis qu'il doit respecter le code des constructions et des assurances, et on n'aurait pas dérogé à ça. Maintenant, je me rends compte à écouter l'ensemble de ceux qui m'entourent qu'effectivement le challenge était de haut niveau parce que c'était pas simple. C'est vrai que c'est un première fois qu'on est un lot, enfin nous en tout cas, en marché public, et un lot de 150 000 euros quand même, on peut dire les choses, c'est quand même pas une petite somme. Le côté pionnier est réel, et le côté collectif également, puisque je salue le fait que vous ayez salué les entreprises qui nous ont accompagnés, parce que c'était pas non plus évident pour elles. Voilà, ça s'est fait à plus petite échelle, et là on leur a demandé quand même de s'impliquer, elles ont réussi à le faire. On saura aussi en tirer, les enseignements pour la suite. Mais voilà, c'était un enjeu important, mais tout en respectant le code, les prescriptions réglementaires. Alors justement, alors peut-être Clément là-dessus ou vos voisines, lorsqu'il faut, c'est au choix, parce que vu que tout est fait à trois têtes ou à trois voix, c'est au choix. Lorsqu'il faut faire valider par un bureau de contrôle, par des assurances, des matériaux. Par quoi on commence ? Par les contraintes imposées par l'assurance ? Qui doit s'adapter le plus ? Enfin, comment vous avez commencé ce cercle vertueux pour aboutir justement à ces validations ? Alors déjà, c'est la construction vraiment d'une méthode à plusieurs. Et là, notre maître d'ouvrage vraiment est absolument une pièce centrale dans le dispositif, parce que c'est lui qui a les contrats avec l'assureur, le bureau de contrôle, et nous, on est des intermédiaires dans tout ça. Donc, c'est clair que l'implication, dès le tout début de la conception du bureau de contrôle, les premières discussions avec les assureurs se sont faites entre Normandie Aménagement et ces acteurs-là. Nous, on a donné un peu des billes techniques, économiques, etc., mais ça a été vraiment piloté par Normandie Aménagement. J'insiste là-dessus parce que les autres projets où le maître d'ouvrage n'est pas impliqué sur ces questions-là, nous, on ne peut pas faire grand-chose, quoi, parce qu'on peut apporter tout un tas de justificatifs, et je vais en parler en deux mots après, mais si l'assureur est dans une posture tout à fait classique, on ne va pas obtenir grand-chose. Pour l'anecdote, quand même, nous avons été, nous, parce qu'on a d'autres, évidemment, on suit d'autres chantiers, et on a été contactés par apparemment le service, central d'AXA, qui visiblement fait une sorte de petite enquête interne. Non, mais c'est pas inintéressant, parce que je le dis, parce que fait une petite enquête interne pour savoir, il entend parler de la Grande Halle et il aimerait bien savoir quel est le fou qui a validé un peu tout ça. Enfin, je le dis de manière un petit peu directe, mais c'est un peu ça. Et bon, on va voir ce qui va en découler. En tout cas, ça commence, ça bouillonne aussi un petit peu du côté des assurances, et c'est très intéressant de voir quel va être leur retour d'expérience à elles aussi. Juste en deux mots sur les questions d'assurance et de réglementation, en fait, on a absolument rien révolutionné. Hein. C'est-à-dire qu'on a un bureau de contrôle, il nous demande tout un tas de pièces justificatives. Je dirais que la seule innovation, entre guillemets, c'est la méthode qu'on a mis en place avec le WIP et Encore Heureux, et Normandie Aménagement, de solliciter l'assureur très tôt sur le chantier et donc de l'impliquer et de lui demander quel type de pièces, de quel type de pièces techniques il allait avoir besoin. Et on a constitué ce qu'on a appelé pour chaque matériau un dossier pour l'assurance, qui un dossier réemploi qui reprend absolument toutes les normes, répond aux objectifs techniques, voire explicite des tests en labo. Quand sur l'isolant, on a fait des tests de résistance thermique et de performance acoustique, et résume tout ça dans un dossier que l'assureur peut éplucher, et sur lequel il peut se prononcer. Non, c'est pas des ATEX. Donc on n'est pas passé, parce que oui, effectivement, bon, ça nous amènerait peut-être un peu loin, mais oui. En fait, on est. Je veux dire que c'est pas des tests en labo. Alors, il faut toujours avoir un micro. Ah. C'est uniquement pour dire que c'est pas des tests en labo qui ont une valeur juridique ou de label. Voilà, c'est vraiment en appui d'une argumentation, mais c'est uniquement en annexe. Et on peut pas se reposer sur ces tests. Sur ces tests. Et tout ce travail méthodologique de fiches. Matériaux pour les assureurs, est-ce que ce sont des outils qui sont duplicables en fait pour d'autres opérations, alors pas dans les contenus mais en tout cas dans la méthodologie, le cadre qui on associe, le type de renseignement, Justine, vous pouvez Oui, je pense que les dossiers qui sont montés sont montés de manière assez classique. Donc, c'est surtout des dossiers montés par Mayan et le WIP. Enfin, mm-hmm. Mayan en accompagnement du WIP qui décrit en quelque sorte les matériaux mis en œuvre. Mais c'est des dossiers qui n'ont rien de bien sorcier, on va mm-hmm. dire. Avec à chaque fois, pour le coup, une intégration de l'entreprise aussi qui va mettre en pause le matériau, ouais. qui réceptionne en fait et qui valide les fournitures que le WIP lui fournit. Très bien. Pauline, vous voulez compléter ? Oui, bah après, ça nécessite quand même aussi l'implication du maître d'ouvrage gisement. C'est-à-dire que si nous, on n'a pas quand même des informations de la part du maître d'ouvrage de l'opération de démolition ou de rénovation sur, une date de construction, un certain nombre d'éléments quand même... nécessaire, c'est des données qui, en tout cas nous dans notre travail de recherche sur le gisement, qui sont hyper importantes. Et c'est peut-être, on a parlé beaucoup de maîtrise d'ouvrage et beaucoup du rôle de la maîtrise d'ouvrage de la Grande Halle, mais peut-être que ce dont on n'a pas parlé, mais qui pour moi reste le maillon très faible de cette belle chaîne-là, c'est la maîtrise d'ouvrage côté gisement. Mmh. Stéphanie le disait tout à l'heure, on s'est fait voler des menuiseries sur un chantier pas loin d'ici, sur lequel on avait la possibilité d'intervenir. Il y a eu d'autres fois où on a eu le sentiment qu'on aurait pu récupérer les choses, mais la vie d'un chantier de démolition ou de rénovation fait que le réemploi en soi est quelque chose qui vient perturber cette belle mécanique. Mmh. Et à mon sens, c'est encore une autre complexité que celle qu'on vient de citer là, qui est du côté débouché. Et d'ailleurs, lors de la deuxième table ronde avec Frédéric Denis, qui doit être dans la salle quelque part, super, et ben on parlera notamment d'un projet de plateforme dématérialisée qui met en lien gisement et débouché pour sûrement répondre à une partie de ces enjeux que vous soulignez. Il est déjà 15h20, donc ce que je vous propose, j'avais prévu plein d'autres questions, mais de commencer les échanges avec la salle, et puis je pourrais compléter par quelques petites questions complémentaires. Donc est-ce que vous avez des questions sur le réemploi dans cette opération de la Grande Halle ? N'hésitez pas, je peux m'approcher, il vous suffit de faire signe. Oui. Bonjour. Ça marche. En fait, j'ai une question à vous poser. Je suis Julie de Bellastock. Enfin, je trouve super votre. Ça marche pas. Si, il faut le tenir si, bien marche, proche. Ouais. Enfin, je suis hyper contente de découvrir enfin cette opération dont j'ai beaucoup entendu parler. Et du coup, j'avais juste envie que peut-être vous l'avez dit, c'est passé trop vite. J'avais juste envie de savoir comment les entreprises qui ont posé les matériaux ont accepté de le faire sans se fournir chez leur fournisseur traditionnel, mais la fourniture était nécessairement fléchée. En plus, on n'a pas le droit de flécher, je crois, dans les appels d'offres des matériaux comme ça, surtout au marché public. Alors, comment l'entreprise qui a mis en œuvre a accepté de se fournir, d'une part, sur la base de quelle grande technique, et d'autre part, comment ça a été fléché ? Voilà, enfin, c'est juste pour éclaircir, mais je crois que vous l'avez déjà dit. Alors peut-être Stéphanie aussi, Clément, d'accord. Merci. Mais c'est génial. Hein. Une grande force de persuasion. Je ne sais plus qui a dit ça. Non, mais il me semble que en fait c'est pas forcément si compliqué que ça, dans le sens où en fait les entreprises, quand on a affaire directement aux artisans. Ça, je voudrais en parler quand même deux minutes. C'est que là, on a parlé d'allotissement, 17 lots, etc. Ça paraît être commun, mais en région parisienne, de là où on vient, on est beaucoup face à ce qu'on appelle les entreprises générales, des grosses entreprises. Et là, on n'a pas affaire directement aux artisans. Là, on est face à des gens qui connaissent très, très bien leur métier, déjà, et en fait sont déjà habitués à faire ce genre de manipulation que nous, on trouve extraordinaire. Mais en fait, eux... déposer un ouvrage, le reposer ailleurs, avoir un stock avoir un peu de stock et le placer sur un chantier, avoir des rebuts, etc., etc., sont en fait des choses assez habituelles. Encore faut-il être face à des vrais professionnels de leur métier. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je crois que là, pour le coup, avoir Ça, c'est la particularité de ce chantier, je dirais, avoir à la fois Mayan qui est là au quotidien et qui tisse ses liens entre nous et les différentes entreprises du chantier. Ça, c'est un point. Ça fait partie vraiment intégrante de la méthode des architectes, d'Encore Heureux. Ça, c'est avoir cette personne-là, je pense que c'est très, très important. Et avoir un lot qui ne s'occupe que de ça, qui est identifié pour ça, aide aussi à convaincre qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi, qu'on maîtrise le dispositif, qu'on est tous assurés, etc., etc. Donc après, il y a tout un tas, je ne vais pas développer toute l'argumentation qu'on fait à chaque fois, qui est maintenant assez bien huilée, mais on n'a pas en fait vraiment d'opposition. Évidemment, il y a toujours la question « mais mon assureur ne voudra jamais », etc., etc. Mais en fait, à partir du moment où on dit mettons-nous autour de la table avec votre assureur, discutons, voyons où sont les points de blocage, on peut y répondre, on a des expériences, on a un lot qui prépare les matériaux sous cette forme, etc. Ça lève en fait beaucoup de problèmes. Et je finirai là-dessus. J'ai vraiment l'impression que quand on est capable d'apporter des réponses techniques cotées, justement quand on a une entreprise comme le WIP qui est sur le chantier et qui apporte aussi des garanties sur le matériau, bien que ce soit pas des garanties au sens vraiment garantie fournisseur, mais c'est le matériau est préparé, il est façonné, etc. Donc il est quand même livré à l'entreprise sous une forme qui est pas un débris, quoi. Je veux dire, voilà, il est prêt à poser. Donc l'entreprise, elle dit vous me le mettez là et puis c'est parti, je le pose, quoi. Alors vous, moi, je voudrais juste compléter, parce qu'effectivement, ce que vous parliez des marchés publics, effectivement, on est astreint au marché public en tant que SEM, mais on a en fait organisé les lots de manière à ce que la question ne se pose pas vraiment. C'est-à-dire que le fait qu'on ait consulté en élaborant ce lot de réemploi a imposé un tout petit peu quand même aux entreprises de travailler avec ce lot réemploi. Tout comme on demande à un menuisier ou un charpentier de travailler avec un couvreur. Voilà, donc c'est juste pour... Je ne vais pas être plus long, mais voilà, l'organisation elle-même de la consultation s'est faite de manière à ce qu'on institue ce lot réemploi comme une obligation. Voilà, ensuite, c'est vrai personne ne nous aurait répondu sur le lot réemploi, c'est-à-dire que on n'a pas eu les réponses qu'on a eues, on aurait bien été obligé effectivement d'aller de faire une pratique classique de matériaux. Voilà. Stéphanie, après, il me semble aussi le fait de les associer tout de suite, dès qu'on avait un matériau en vue, dès qu'on avait l'idée d'intégrer tel ou tel matériau, on les a tout de suite associés. On a tout de suite, on leur a demandé leur avis. On est allé éventuellement les emmener sur le gisement pour qu'ils évaluent aussi, qui confortent nos idées, qui nous disent oui, ok. Et à chaque fois, ils ont dit bon, ok. Très bien, ce matériau nous convient tout à fait. On n'a pas d'objection pour le mettre en œuvre. Donc, je pense que c'est aussi le fait de les intégrer tout de suite, qui n'ait pas l'impression qu'on les oblige, qu'on leur donne quelque chose. La méthodologie de travail fait en sorte qu'ils ne soient pas, ils n'arrivent pas en bout de ligne. Ils sont vraiment partie prenante de ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir en proportion les matériaux qui ont été réutilisés. On a vu en plomberie, chauffage, mais sur les autres lots. Voilà. Merci. Merci pour cette question, parce que c'était une des questions initialement prévues. Donc, comme quoi. à peu près. Alors, effectivement, sur les radiateurs et les sanitaires, on est presque à 100%. Après, comme type de matériau, effectivement, il y a eu de l'isolant dont Stéphanie parlait. Donc ça 100 mètres carrés à peu près. On a réutilisé du bois de charpente pour en intégrer sur les balcons que vous aurez la joie de découvrir tout à l'heure. Ça, c'est, je ne sais plus combien, c'est pas grand-chose, mais par contre, c'était une démarche qui était vraiment intéressante parce que là, pour le coup... Ça a été, on en parlera tout à l'heure avec Calvados Habitat, mais bon, ça a été toute une histoire pour permettre leur intégration. Et puis des portes, exactement, qu'on voit, dont des portes coupe-feu. Donc ça, on est encore en, en expérimentation. Et puis c'est tout. Après, il y avait des choses sur lesquelles on avait la possibilité de réemployer. Et du carrelage, oui. Le carrelage, on est en train, ça, on l'avait pas prévu initialement, mais finalement, voilà. Mais après, il y a eu des choses aussi qu'on avait trouvées, comme du chemin de câble ou comme des robinets thermostatiques, par exemple, sur des radiateurs, mais qui posaient la question derrière de la maintenance, qui risquait de vraiment, qui était trop risqué en fait. Finalement, même si c'était des bons matériaux, parce qu'il y avait des propriétés mécaniques, des choses qui sont difficiles derrière à réparer, et indépendamment de la question de savoir si c'est bien posé ou voilà, que finalement on a décidé, parce que nous, le WIP, on est aussi futurs utilisateurs du lieu, donc on a dit oulala, la maintenance, ça va être compliqué. On écarte aussi volontiers. Donc je pense qu'en plus, pendant la visite, vous aurez l'occasion de vous arrêter sur les différents éléments de réemploi. Stéphanie. J'ai oublié. Je suis désolée. Ah, il y a une autre question ici. Pardon, c'est moi qui ai repris la parole, je suis désolée. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, j'aurais aimé avoir un peu plus de précision sur l'approvisionnement des matériaux. Quand vous trouviez des gisements, comment ça se passait pour venir récupérer les éléments? Est-ce que c'était vous qui déposiez? Est-ce que vous aviez un accord avec les démolisseurs? Voilà, merci. Et bah ça dépend. En fait, effectivement, c'est là où je disais, c'était sur Calvados Habitat, c'est une jolie histoire aussi, parce que là, pour le coup, on est arrivé très très en amont de l'opération de démolition, donc de petites maisons sur le quartier Rethel, et on a pu l'intégrer au marché du démolisseur pour qu'il fasse une déconstruction propre de la charpente. Ça a été le seul cas, à mon sens, hein, puisque sur les autres, c'est nous qui sommes intervenus, mais nous dans le sens groupement, parce que à la fois Stéphanie qui allait vraiment valider le processus, nous le WIP qui mettions en place les conventions avec les maîtres d'ouvrage pour sécuriser l'intervention sur le chantier de démolition de rénovation, et l'entreprise à but d'emploi atypique qui a effectué donc la dépose des sanitaires, de l'isolant, des portes, etc. et qui gère ensuite la manutention, le stockage, le conditionnement. Et aussi, s'il y a des choses à nettoyer, le poste de valoriste, il se travaille aussi là-dedans. Je pense que la partie manutention, transport, stockage, conditionnement sont vraiment pas des éléments anodins, parce que nous, très vite, hein, avec Clément, Justine et Mayanne, on a commencé à parler de gisements sécurisés, parce que tant que c'était pas arrivé, nous, à l'atelier, bien stocké, on pouvait pas considérer que la partie était gagnée. On s'en est rendu compte quand même assez vite. Autre demande de prise de parole? Je n'en vois pas pour l'instant. Ah si. Je voulais juste peut-être préciser, oui, quand même qu'en tant que constructeur, bâtisseur, si je puis dire, nous sommes aussi, on démolit aussi, et que la sensibilité, par exemple, des collaborateurs de Normandie Aménagement sur la partie promotion à récupérer tout ce qu'on peut récupérer avant la démolition, je pense que ce projet aura été très valorisant en la matière. Donc on se fait fort, on espère que on n'aura pas de vol, comme ça a été le cas malheureusement sur les huisseries extérieures qu'on avait prévu de pouvoir attribué à ce lot-là. Mais on a un autre projet, par exemple, aujourd'hui, où aussitôt, un projet où on va démolir, la question se pose aussitôt, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Parce que parfois, on démolit des choses qui sont relativement récentes. Ou en tout cas, il y a eu des travaux relativement récents qui permettent quand même un deuxième usage, voire plus, des matériaux. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait une pensée dans la construction des matériaux à leur future démolition, j'allais dire démantèlement. Mm-hmm. Parce que souvent, malheureusement, ce qui est compliqué dans la démolition, c'est qu'on détruit de manière technique. Ouais. Et la réutilisation est un peu complexe et nécessite de retravailler. Je pense qu'il faudrait aussi que sur les industriels qui travaillent à l'élaboration de matériaux pensent au côté démontable de ce qui va être aujourd'hui neuf, mais installé, pour envisager sa seconde, voire sa troisième vie. Mayanne, vous vouliez ajouter quelque chose? Et oui, je vous ai vu prendre le micro. Et après, Stéphanie. Non, c'était juste pour rebondir sur ce que vient de dire Madame Hugdoyer. C'est que Pascal, c'est que ce bâtiment, en l'occurrence, est fait en bois, assemblage à sec. Et typiquement, on peut imaginer tout de suite sa dépose. C'est très simple d'imaginer tout ce qui est boulonné, de le désassembler, de le réutiliser dans 50 ans. Et voire plus, oui. Et sur les plaques de placo, on a remarqué aussi qu'il y a écrit « Je suis recyclable à l'infini ». Voilà. Faut savoir, on ne sait pas qui a proposé de mettre cette phrase. Mais ce bâtiment, en tout cas, pourrait être Alors, je ne sais plus qui désossé. M'avait parlé de penser des bâtiments compostables parmi vous. C'est Pauline. Stéphanie, allez-y, puis après, on prend encore une question de la salle. Tout au long de nos expériences sur les gisements de démolition, on a vraiment pu identifier des années où des constructions de telle année, il y avait vraiment matière à récupérer des matériaux. Et les constructions des années 70-80, c'était nettement plus compliqué parce qu'on se retrouvait avec des huisseries de qualité impossible à réintégrer sur un chantier de ce type. Des radiateurs, ce n'étaient pas des radiateurs en fonte, en général des aciers qui ont vraiment vieilli. Donc tout ce qui est antérieur aux années 50, 40, 50, 30, ça c'était très bien et vraiment on a vraiment pu dresser une typologie et par période, par décennie, ce qui était le type de chantier qui était où il y avait des matériaux réutilisables et les autres où c'était moins évident. Alors on va prendre encore une question de la salle et puis après on fera un tour de table final où je vous demanderai à chacun à partir de cette expérience que vous vivez aujourd'hui un enjeu pour demain pour déployer plus largement le réemploi. Alors Clément, il ne faut pas faire comme si cette question était surprise puisque je vous l'ai posée à tous. Quasiment. Bon, je prends la question de la salle. Bonjour, moi c'est une question plutôt économique. Je me demandais comment est-ce que vous gériez... Approchez bien le micro s'il vous plaît. Oui, comment est-ce que vous gériez par exemple pour les fenêtres, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, si jamais ça avait marché, comment est-ce que vous auriez géré la fourniture? Les entreprises ne se seraient pas fournies et donc auraient pris ces fenêtres-là. Est-ce que l'argent aurait été au lot réemploi? Est-ce qu'il y a des réajustements de budget? Et est-ce que vous en sortez dans le budget ou est-ce que vous êtes plus cher, moins cher? Comment ça marche? Voilà. Clément. Vaste question. Ouais. Mais en deux mots sur la question des menuiseries extérieures, c'est quand même un bon exemple. L'opération était la suivante. On aurait déduit du marché de l'entreprise de pose sa fourniture, qui était préfléchée dans son marché, donc sur laquelle on avait une idée approximative de son prix. Je dis approximative parce que entre les conditions de signature du marché et ensuite les conditions réelles en chantier, il peut y avoir une évolution et notamment sur la quantité. C'est-à-dire qu'il est clair que pour une entreprise, se voir retirer 20 menuiseries ou se voir retirer 50 menuiseries, à partir du moment où on sait qu'une entreprise marge un peu sur la fourniture, ben c'est compliqué. Le prix, forcément, le prix unitaire évolue. Mais... Eh oui, c'est tout un jeu assez complexe. Il y a toujours quand même un peu de négociation, forcément. Mais en l'occurrence, la méthode générale, elle est finalement assez simple. On déduit la fourniture de l'entreprise de pose et le WIP donne les coûts de valorisation des matériaux correspondants. Donc, liés au transport, au stockage et à la préparation et à la dépose. Voilà. Et cette balance financière est présentée au maître d'ouvrage. En sachant que pour, évidemment, les menuiseries extérieures, le bilan est plutôt très positif puisque c'est une matière qui a de la valeur. Je peux vous donner une petite évaluation de si ça avait marché... Quelle économie aurait pu être générée sur le chantier, puisque c'est quand même un exemple assez rigolo. On estime, puisque du coup on n'a pas l'évaluation définitive, mais à 210 euros d'économie par mètre carré de menuiserie. Voilà. Donc c'est pas tout à fait anodin quand même. Et puis sans parler évidemment de l'impact carbone. Sur les matériaux qui ont moins de valeur, type l'isolant, évidemment, le ratio entre la pose et la fourniture est plutôt en défaveur de la fourniture, si on devait dire les choses dans ce sens-là. Et du coup, le bilan économique est moins en faveur du réemploi. Mais en l'occurrence, sur l'isolant, on est à coût constant, à peu, enfin, on est à coût équivalent. est plutôt à coût défavorable, je dirais, sur la charpente bois, les portes, les sanitaires, c'est très positif. Non, les portes, quand même, globalement, c'est difficile de rentrer dans les coups, parce qu'il y a tout un travail, quand même, il faut refabriquer un bâti, voilà, neuf, il faut légèrement, quand même, réusiner les portes, etc. Donc, bon, ça nécessite, en tout cas, un travail qui rend le calcul économique plus en défaveur du réemploi, on va dire. C'est très positif pour les sanitaires, parce que les sanitaires, voilà, c'est une matière qui vaut cher. Et les radiateurs en fonte et en acier. En fonte, c'est aussi assez positif. En acier, un peu moins. Voilà. Mais j'ai des ratios, mais je ne vais pas tous les donner. Merci, Pauline, en complément. Après, je pense que c'est quand même important de déconstruire l'idée selon laquelle le réemploi coûte moins cher que du neuf. Parce que voilà, on se dit c'est de la récup, bon plan. Bon, ETC nous avait déjà quand même bien démontré que ça ne marchait pas comme ça. On en a la confirmation, je pense, ici, parce que faut plutôt se dire, et c'est ce que montrait Encore Heureux dans l'exposition Matière Grise, je pense que c'est plutôt une question de où est-ce qu'on positionne la valeur aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on positionne la valeur sur du matériau neuf ou est-ce qu'on positionne cette valeur sur de la main-d'œuvre, de la matière grise, enfin voilà, parce que nous, ça nécessite quand même beaucoup d'ingénierie d'imaginer tout ce processus-là, de l'emploi, plutôt que dans la matière pure. Nous, c'est un petit peu ce qu'on a voulu démontrer ici. On est plus à se demander est-ce que ça coûte plus cher en réemploi ou est-ce que c'est du coût égal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que ce n'est pas le bon raisonnement, en tout cas, que d'avoir un raisonnement uniquement économique pour se poser la question de l'intérêt du réemploi. Je pense que c'est des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, d'un modèle de société en fait, qui se pose plus au travers de cette question-là qu'une simple question économique, même si, évidemment, enfin, voilà, elle est quand même centrale. On a aussi conscience des problèmes liés au coût de construction. Voilà. Alors Clément, juste et puis après on fait ce round final. Un tout petit complément pour rebondir sur l'enjeu de société que tu évoques, c'est aussi un enjeu industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les filières autour du réemploi en France, elles ne sont pas du tout développées. Donc forcément, les entreprises aux différents stades du stade de construction, de la démolition, etc., etc., n'ont pas l'habitude, donc ont tendance à artificiellement un peu augmenter les coûts parce qu'elles savent pas, etc. Donc quand les filières se développeront, et c'est un peu le pari qu'on peut faire, c'est que quand elles se développeront, ça deviendra vraiment intéressant, même économiquement, de faire du réemploi. Donc là, il y a déjà peut-être un enjeu pour demain d'évoquer la structuration des filières industrielles de bout en bout. Stéphanie, je crois que vous avez un micro dans la main. Donc moi, j'avais juste une petite chose à rajouter concernant les entreprises. L'idée était aussi de ne pas les pénaliser. Que l'entreprise n'ait pas l'impression d'être pénalisée en intégrant des matériaux de réemploi parce qu'elle ne margeait pas sur son matériau. Donc, comme ce que disait Clément, c'est d'essayer de trouver une balance où si on ne la pénalise pas, elle ne le fera plus volontiers et elle aura pas cette réticence-là. Si elle se dit qu'elle gagne moins d'argent si elle intègre des matériaux de réemploi, elle sera peut-être plus réticente. Très bien. Alors, pour conclure, donc, un mot de la fin, commencez, Stéphanie, pour un enjeu en termes de réplicabilité ou de déploiement plus largement du réemploi. Alors, pour nous, il est très, très facile à exprimer. C'est au vu de cette expérience et la façon dont les choses se passaient, se sont tout de suite passées. On s'est dit qu'il y avait vraiment urgence, enfin pour nous, à essayer de faire en sorte que les choses se développent, se multiplient. Il y a plusieurs projets sur lesquels on est en train de travailler. On travaille sur un AMI avec Calvados Habitat. On va en parler tout à l'heure. D'accord. Et on a un projet de développement de filières de réemploi, de plateformes de matériaux physiques. Voilà. Donc c'est très dans les clous. Très bien. Pauline. Moi, je le disais, je pense que pour moi aussi, dans cet aspect de filière, je pense que de volonté pour le futur, c'est effectivement de peut-être redonner du sens aussi au rôle des différents acteurs du chantier, que ce soit des entreprises effectivement qui soient valorisées parce qu'ils connaissent les matériaux et parce qu'eux ils savent effectivement très très bien, ils connaissent très bien leur métier. Les maîtres d'ouvrage aussi qui ont un rôle quand même très fort, notamment sur des chantiers de démolition et de rénovation. Je pense que c'est hyper important d'avoir un vrai bon suivi de chantier parce qu'il se passe plein de trucs un peu en loose day sur un chantier de démolition, rénovation, qu'empêche le réemploi quand même, en économie grise. Et puis créer de nouveaux métiers aussi autour de cette filière-là, parce que je pense que c'est vraiment un beau défi. Et je pense que c'est des métiers qui sont aussi assez passionnants à venir, je pense. Très bien. Pascal. Alors, outre l'aspect social de ce projet, parce que moi je néglige pas le côté la atypique et puis la réinsertion en fait au travers de ce projet, c'est ce que disait tout à l'heure Pauline qui est important, où est-ce qu'on met la clé sur le matériau, sur l'humain, mais je vais être un tout petit peu plus institutionnel dans mon approche, c'est de dire que l'idéal serait quand même que la Fédération du bâtiment ou les fédérations départementales ou régionales des bâtiments ne sont pas un peu du sujet. On les a invités aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont là, mais ce n'est pas grave. S'ils ne sont pas là, je m'emploierai à leur dire que c'est important le réemploi. Et puis peut-être qu'on innove en créant un label du réemploi, c'est-à-dire le bâtiment. Alors on a su faire le BBC, un certain nombre de labels, on a beaucoup, je ne vais pas les citer tous, mais on aurait un label d'un bâtiment qui utilise X% de réemploi. Je pense que ce pourrait être une bonne chose pour le développement de la filière. Très bien. Justine. On a dit que c'était tout à l'heure que c'était dit, donc. Parole aux femmes. Moi, je vais être vachement plus. Enfin, je vais être très terre à terre. Et en fait, cette expérience, ça nous a permis aussi de cadrer un petit peu et de comprendre ce dont avait besoin une entreprise telle que l'WIP pour répondre à cette typologie de plateforme. Des matériaux, et donc c'est en amont bien préparer en gros la venue d'une telle entreprise, notamment la mise à disposition d'un atelier, d'un stock vraiment en amont du chantier qui ne fasse même pas partie de leur appel d'offres, mais comme la cité de chantier était en amont du chantier, prévoir et préparer cette intervention. Très bien. Mayanne, le mot de la fin. Ok. Moi, c'est plus encourager tout le monde, parce que je pense qu'en fait, le réemploi, ça nécessite de ne pas être flemmard, parce que ça demande beaucoup plus d'efforts à tout le monde, pas qu'aux architectes, vraiment à tout le monde. Et si on a envie que ça fonctionne, il faut juste vraiment essayer de motiver tout le monde à le faire. Et savoir que ça va être compliqué, que ça sera semé d'embûches, mais qu'on y arrive finalement quand même assez bien, et que ça... Donc ça fait vraiment plaisir quand ça marche. Très bien. Du collectif et une véritable dynamique. Merci à vous toutes et tous. Pascal Huyck-Doyer, Stéphanie Pally, Pauline Sesco, Clément Natav, Justine Braun et Mayanne Géraffi. Et merci d'avoir joué le jeu de l'accélération. On a rattrapé un petit peu de temps.